Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour nos jeunes amis. Dans le village de Timpleback, les enfants ne font que des bêtises et résistent à toute forme d'autorité. À bout de nerfs, les parents décident de quitter le village pour ce qu'ils pensent être une journée. Un village sans parents. Deux bandes d'enfants s'affrontent alors pour le contrôle des lieux. Imaginez que vous vous réveillez dans un monde sans adultes, sans aucun parent pour vous donner des ordres. Maman ? Vous pensez que c'est un rêve ? Mes parents sont partis. Que c'est impossible ? Les miens aussi. J'ai vu personne non plus. Et pourtant, c'est arrivé aux enfants de Timpleback. Vu la situation, il faut déclarer l'état d'urgence. Oh, nous abandonnons la ville pour toujours. Notre décision est irrévocable. Ça veut dire quoi, irrévocable ? Ça veut dire que maintenant, nous sommes seuls face à notre destin. C'est quoi cette tête d'enterrement ? C'est jour de fête aujourd'hui. On est libre maintenant, vous comprenez ? Libre ! Bonjour Bobby. Bonjour Monsieur Propol. Mon nom c'est Paul. Tu danses ? On peut plus continuer à laisser Oscar et sa bande piller le village. Il faut protéger Timpleback. Jamais vous ne reverrez vos parents, vous m'entendez ? Les enfants de Timpleback, Gérard Depardieu, Carole Bouquet et une pléiade de jeunes comédiens en herbe, un DVD Foxpatter repas.